d'aller marcher aux puces. J'ai acheté par un euro un livre en espagnol de Federico García Lorca, qui est à Nueva York, Tiento por Ignacio Sánchez Mejías et Le Divan del Tamarit. Je l'avais entassé avec mes autres livres, avec le projet de revenir dessus, puisque c'est un poète de ma ville natale et un des poètes espagnols les plus renommés, et que je connaissais déjà pas mal. Et aujourd'hui, je l'ouvre, je trouve qu'il est plein de notations en crayon. Et surtout, certains poèmes qui sont complètement traduits avec de la rime. Et je vais donc chercher les noms de la personne. Gaetana Martin, 1980. C'est ce qui est marqué là. Donc, est-ce que c'était une traductrice ou est-ce que c'était une écolière? La calligraphie est plutôt une calligraphie de toute jeune fille, c'est une calligraphie scolaire. Mais la traduction m'intéresse, je vais vous la lire. C'est la traduction d'un Gassal, d'un Gacela de la mort désespérée. La nuit ne veut pas venir pour que tu le puisses accourir, ni moi partir, mais j'irai du un soleil des scorpions manger ma tempe. Et tu viendras la langue brûlée par la pluie des sels. Les jours ne veulent pas venir pour que tu ne me puisses accourir, ni moi partir. Et moi j'irai, livrant au crapaud mon oeillet mordu. Mais tu viendras par les troubles cloaques. T'es l'obscurité, ni le jour, ni la nuit ne veulent venir pour que j'ai meurt pour toi. Et que tu meurs